buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Amigos para siempre. It won't be easy, you'll think it's strange when I try to explain how I feel. That I still need your love after all that I've done. You won't be. Is a girl you once knew, although she's dressed up to the nines at sixes and sevens with you. I had to let it happen, I had to change. Couldn't stay. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. I will follow him, follow him wherever. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. We'll be right back. amore quanto è bello, spira tanto sentimento, come tu chi tieni a mente, cascetato. Guardi stu giardino, senti se sti sure ranze, nu profuma così fino, dinno core se ne va. E tu dici parto a Dio, dal lontano la stupore, da sta te. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. chers amis. Ce fut, pour nous tous, une expérience unique et merveilleuse de jouer au Radio City Music Hall de New York. Les musiciens de mon orchestre viennent du monde entier. Ils sont très différents les uns des autres. Mais ils ont une chose en commun, leur amour et leur passion de la musique. C'est pour cela que nous pouvons jouer ensemble en parfaite harmonie. Et c'est exactement ce que nous avons ressenti ce soir-là, une ambiance extrêmement harmonieuse. Je pense qu'il n'existe pas d'autre ville au monde où tant de gens de couleurs, de religions et de traditions différentes vivent ensemble en paix et en harmonie comme à New York. Pendant ce concert, nous avons vécu un grand moment lorsque nous avons joué avec le Harlem Gospel Choir de New York. Les répétitions avec les chanteurs de ce chœur de renommée mondiale avaient déjà été une expérience inoubliable. Ils se sont tout de suite sentis à l'aise avec mon orchestre. Après les répétitions, au lieu de se reposer quelques minutes, ils continuaient et continuaient de chanter. Ils chantaient de toute leur âme, claquaient des mains, dansaient et ne voulaient pas s'arrêter. Soudain, les deux chœurs, le Harlem Gospel Choir et mon chœur de femme, se sont mis à chanter ensemble. C'était incroyable, tellement beau. Nous étions tous très émus. Je suis heureux de partager ce sentiment merveilleux avec vous, mes chers amis. Sur ce CD bonus, je vous présente quelques-unes des superbes chansons interprétées par le Harlem Gospel Choir. Here they are singing for you tonight in their own city. Give them an enormous applause, the world famous Harlem Gospel Choir! With their conductor, Melissa Tattoo. Everybody say, amen. Everybody say, amen. Everybody say, amen. Everybody say, amen. Amen. Everybody say, amen. Everybody say, amen. Everybody say, amen. Everybody say, amen. Everybody say, amen. give them an enormous applause. The Harlem Gospel Choir. To present to you the founder of the Harlem Gospel Choir. Give him an enormous applause, the one and only, the magnificent Alan Bailey! Woo! I need to ask you one question. How many of you have been to Harlem? How many of you have been to the black church in Harlem? Yeah! Well, in order for you to come to our church in Harlem, you got to be very, very cool to come to our church in Harlem. You got to walk down the streets of Harlem like this. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Now, when you get to the church door, we show you how we march. Hold on 1 second. Oh, when the sun, oh, Good to me. Y'all don't know it. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Oh, happy day. Come on, put your hands together. Oh, happy day. Yeah. They were right, ladies and gentlemen. It's a happy day. The first day we met in Maastricht in my studio, I felt immediately that we became friends. And now we are here back in New York. I'm sure it's going to be a friendship for a lifetime. I'm sure. Very great.